Salut à tous, salut à toutes, bienvenue, c'est l'heure de Rocky Sport, 20h35 même, et vous êtes en direct sur Arc-en-Ciel, bien sûr, 96.2 FM, nous sommes ensemble pendant, à peu près 2 heures, comme d'habitude, avec plein de choses, avec des directs, tout de suite, c'est un direct en cours là, qui se déroule du côté du volley. C'est les huitièmes de finale de l'Euro volley pour l'équipe de France qui est en grande difficulté dans cette rencontre. Oui, grande difficulté puisque la France est menée 2-7-0 par la République tchèque et depuis quelques minutes maintenant est en train de sauver des balles le match puisque nous sommes maintenant à 30-29 pour la République tchèque qui sert depuis 25-24, c'est-à-dire depuis 5 services, sert pour le match. Et c'est fait puisque ce point vient de passer à côté, ce retour, et la France est donc éliminée dès les huitièmes de finale de l'Euro volley. C'est une évidemment grande déception après le titre olympique battu par les Tchèques qui ont fini quatrième de leur de la phase de poule et que voilà qui n'avait pas fait grande impression aux Jeux Olympiques, alors que les Bleus de leur côté avaient remporté tous leurs matchs. De manière assez impressionnante, on en reparlera d'ailleurs tout à l'heure, mais alors qu'il y a un challenge qui est demandé, est-ce que visiblement il y aurait une faute qui serait alors attendez, on va revenir sur le direct, a priori ce n'est pas fini, puisqu'une faute a priori vient d'être détecté après la vidéo, après un challenge demandé par les Bleus. Donc a priori le match ne serait pas encore terminé. On va voir, en tout cas ça discute auprès de l'arbitre. Le Tchèque qui discute évidemment pour essayer de visionner à nouveau le challenge, mais a priori il y aura une faute. Et on serait, oui, c'est confirmé, donc c'est la France qui va servir à nouveau. On est passé à 2 doigts d'élimination. Alors, c'est encore pas fini, loin de là, puisque désormais il y a 30 partout. Et il va falloir marquer 2 fois pour remporter déjà un premier set et puis ensuite revenir à 2 partout avant tie-break. Il reste beaucoup de chemin. Et déjà, il va falloir sauver encore ce ballon. Et ça part. Oh là là là, c'est encore un point pour les Tchèques. Puisque ce ballon a été. Est parti très très loin dans les tribunes, hein, ce rebond. Et ça fait 31-30. Ça fait une nouvelle balle de match. Alors on va essayer de suivre tant bien que mal. Oui, elle est passée, elle a tapé dans la tête. Je crois que c'est Chénézé qui a pris ce ballon dans la tête. Et alors on demande un nouveau challenge. Pour éventuellement une faute de pied sur la ligne, il n'y a pas de faute de pied. Décidément, on enchaîne du côté des Bleus les challenges pour essayer de grappiller des points. Mais pour l'instant, eh bien, on n'y arrive pas. Et ça a été le cas sur la balle de match précédente, mais cette fois, ça n'a pas été le cas. Ça fait une nouvelle balle de match pour les Tchèques, 31-30. On rappelle, c'est 8e de finale de l'Euro volé pour les Bleus qui ont réalisé un parcours parfait en poule, 5 victoires en 5 matchs, un seul set laissé dans ce parcours. Et là ça fait à nouveau une nouvelle balle de match pour les Tchèques. C'est parti, c'est le service très très court, on assure. Attention, est-ce que oui, le point est pour les Français. Pour les Français, ce point 31 partout. Alors je vais dérouler le programme en attendant que ce service ait lieu. Évidemment, alors on va suivre ce match jusqu'au bout. Alors est-ce qu'il va se terminer dans quelques secondes ? Est-ce qu'il va durer au moins 7 supplémentaires ? On va le voir. En tout cas, gros service à venir pour la France. C'est bien parti pour les Tchèques. Oh là là, ça fait encore un point décidément. Les Français qui n'arrivent pas à passer devant. On n'y arrive pas. Ce ballon est parti très très loin. Il a été touché encore dans la tête. Cette fois, c'est Evgeny Gapet qui l'a pris en pleine tête. Et évidemment, derrière, un service, ouais, un coup à 115 km/h, pleine tête. Et évidemment, derrière, c'était impossible pour ses coéquipiers de remettre ce ballon. Nouvelle balle de match, 32-31. C'est assez rare. d'aller jusque-là. Un service encore tranquille. C'est encore côté bleu, enfin pour les blancs, les français. Ouais, ça passe encore 32 partout, décidément. Le programme, donc rapidement, évidemment, on va suivre ce match. Les autres directs, je vous les donne dans un instant. On aura du foot, bien sûr, avec la reprise de la Ligue 1 après cette trêve internationale. On parlera aussi des bleus et ces fameux 3 matchs de qualification. Nouveau service pour la France, on va suivre en même temps ce direct. C'est encore un point tchèque, décidément, cette fois il est en plein milieu du camp français. Personne n'était sur ce ballon. Ouais, elle touche un petit peu le filet, hein, c'est pas de réussite côté français, elle touche un petit peu le filet, la bande du filet, et du coup le ballon leur échappe complètement. Mais il provoque cette réussite, les Tchèques, hein, sur cette rencontre. Nouvelle balle de match. C'est bien conservé par les Bleus. On attaque. Et c'est fini cette fois-ci avec un stop. Ouais, avec un contre tchèque. Cette fois-ci, il n'y aura pas de challenge. Hein, a priori, il y a peu de chance. Alors que oui, d'ailleurs, les deux challenges avaient été demandés, hein, par les Français. Donc cette fois-ci, il n'y aura pas de challenge pour sauver cette équipe de France. Voilà, finalement, qui est une défaite assez logique après ces deux sets, premiers sets perdus, et puis ces deux balles de match, il y en a eu un certain nombre depuis. On rappelle, il y avait la France menait 24-22 dans ce troisième set, donc il y a eu deux balles de set qui s'est fait rejoindre à 24 partout et qui a même été menée 25-24, donc première balle de match à 25-24. Et puis il y en a eu à chaque fois jusqu'à 32-31. Et donc victoire des Tchèques qui éliminent cette équipe de France. Ouais, il y a eu un gros contre, hein. C'est Ngapet qui a tenté de passer cette balle de l'autre côté du filet, mais il y avait deux Tchèques qui, l'un des deux qui avait les mains très très hautes pour contrer ce ballon. Et ce ballon qui est revenu ensuite dans les camps français. Cette fois-ci, il n'y a pas de sauvetage possible avec un challenge. C'est terminé, donc la France éliminée dès les huitièmes de finale. C'est une grosse surprise, hein, France championne olympique. Alors on rappelle, il y a eu un changement de coaching. Alors le score 25-22 dans la première manche, 25-19. Voilà, celui-ci, il n'y avait rien à dire dans la deuxième manche, et 34-32 dans cette dernière manche. Donc 3-0. Voilà, c'est dur pour les Français qui étaient pourtant, on parlera tout à l'heure du parcours parfait en poule, hein. Alors on rappelle, il y a eu un changement de coach cet été après les Jeux, mais c'est vrai que l'équipe était la même et ça n'a pas suffi en tout cas pour ce match. Voilà, donc on va ce sera direct en moins suivi puisque c'est terminé, mais il y en a d'autres qu'on va vous donner dans un instant. Donc le foot, évidemment, on reparlera donc l'équipe de France, le Tour d'Europe puisque la reprise c'était partout avec des Français à mettre en avant. Voilà, donc ce sera tout à l'heure. Tennis, bien sûr, on parlera du rendez-vous manqué de Novak Djokovic. Il y avait rendez-vous avec l'histoire hier en finale de l'US Open pour réaliser le grand chelem calendaire. Il a été battu par Daniil Medvedev en 3 manches. 6-4, 6-4, 6-4. Et il n'a pas réussi le Serbe à faire le presque l'impossible, et c'est encore l'impossible parce qu'il n'a pas réussi à le faire, c'est-à-dire remporter les 4 tournois du Grand Chelem dans la même année. Ça restera la propriété de Rod Laver, qui lui l'avait réalisé en 69. On en reparlera en détail tout à l'heure, bien sûr, après donc le premier Grand Chelem pour le Russe. On passera aussi, on n'a pas eu le temps la semaine dernière puisqu'on a eu nos amis de J1, d'ailleurs on en parlera tout à l'heure, de Hand bien sûr, avec J1 qui a remporté son premier match de championnat. On avait nos amis de J1 en interview la semaine dernière, qu'on a eu, on n'a pas eu beaucoup de temps pour le reste, mais on passera ce soir l'interview de Didier Girard, le directeur de l'Open d'Orient. On rappelle, l'Open d'Orient c'est à la fin du mois déjà. La semaine dernière, on n'avait pas eu le temps de passer cette interview. Eh bien, on aura l'occasion de le faire tout à l'heure, donc lors de la page tennis. Alors que là, on voit Benjamin Tunuti, le passeur de l'équipe de France de volley, qui est dans l'interview. Après cette défaite, on rappelle, la France est éliminée dès les quarts de finale de cet Euro, hein, qui était évidemment ultra favori après le titre olympique. Voilà, mais deux compétitions dans la même, presque dans le même été, c'est compliqué à gérer. Et bon, les Français, on est contents qu'ils aient plutôt remporté les Jeux que l'Euro, mais on aurait évidemment préféré que ça aille un peu plus loin dans cet Euro, au moins grappiller un carré final, mais ce ne sera pas le cas pour les Bleus. Voilà, donc tennis, on parlera de l'Open d'Orléans à la fin du mois, puis bien sûr les autres tournois qui vont arriver d'ici cette fin de mois. Voilà pour donc le tennis. On aura ensuite le rugby, la nouvelle journée de Top 14, c'était la deuxième journée, bien sûr. Le handball, je le disais tout à l'heure. Avec Gien, on parlera donc de Gien, on parlera également de Saran et de Fleury. Tout le monde reprenait ce week-end, on va y revenir. Il y a eu des configurations différentes hein, pour Saran ou Fleury qui ont perdu pour la première journée. Et puis Gien de leur côté, qui eux ont remporté leur première rencontre. Donc voilà, le hand tout à l'heure. On aura aussi... de la Formule 1, puisque hier c'était le Grand Prix d'Italie, Monza, avec des déboires pour Hamilton Verstappen qui ont été, on le verra, contre à l'abandon. On verra dans quelle configuration. Donc, et puis en MotoGP, Fabio Quartararo qui n'a pas fait de résultats. Alors bon, il n'y a pas eu de catastrophe, mais pas une grosse réussite sur ce tour Grand Prix d'Aragon. Et il perd un petit peu de chemin, un peu d'avance sur la tête du championnat du monde, mais il est toujours devant. Et on en reparlera donc tout à l'heure, plus en détail, bien entendu. Et puis également, avait lieu, c'était la reprise du rallye, championnat du monde des rallyes, avec donc le rallye de Grèce et une troisième place pour Sébastien Ogier, qui prend encore des points sur ses poursuivants et il se rapproche d'un titre avec encore à courir, on le verra tout à l'heure, mais encore à courir de rallye. Donc il est plutôt bien placé, le Français. Voilà donc le programme de ce soir avec les directs. Donc la Ligue 2, c'est parti depuis donc 2 minutes entre Le Havre 12e et Toulouse le leader, donc 0-0 après 2 minutes bien sûr. En Angleterre, dans 10 minutes, un peu plus de 10 minutes, ce sera la 4e journée de Premier League entre Everton 8e et Burnley 18e. Ce sera à suivre pour ceux qui le souhaitent et ceux qui le peuvent, Canal Plus Sport ou RMC Sport. Et puis pour la Ligue 2, c'est Bein Sport 1. Et puis on aura également la deuxième période de Retafe Elche, c'est en Espagne bien sûr, la 4e journée. Retafe 19e contre Elche 14e, 0-0 à la pause, c'est quasiment la pause hein, dans quelques petites secondes puisqu'on est dans le temps additionnel. Ça c'est sur Bein Sport 4. Et puis donc un peu plus tard dans la soirée, à 22h, ce sera l'autre match d'Espagne de la soirée entre Grenade 17e et le Betis Séville 13e, qui sera sur également Bein Sport 4, donc à la suite de Retafe Elche. En Italie, ce sera c'est parti d'ailleurs depuis quelques secondes entre Bologne qui est 8e, et Hellas Vérone le relégable 19e. C'est sur Bein Sport 5 cette rencontre qui vient de démarrer. Et puis, résultat tout à l'heure, c'est terminé entre Le Mans et Sedan, c'est le championnat national. La 6e journée, c'est Sedan qui s'est imposé 2-0 au Mans, donc victoire 2-0 de Sedan, qui reste sur le podium. On y reviendra. Et puis, on parlera du SO, bien entendu, qui a encore perdu donc pour cette 6e journée. Et puis, du tennis, ce soir, une rencontre entre deux Français. C'est Richard Gasquet qui, d'ailleurs, on en reparlera, mais qui sera à l'Open d'Orléans. On parlera, il y a plein de Français. Tout à l'heure, on en parlera quand on aura l'interview de Gérard. Je vous présenterai le tableau. Alors, pas le tirage au sort encore, ce n'est pas fait, mais le tableau en tout cas présent. Et Richard Gasquet, là, il est à Rennes. C'est un Tour Challenger, même titre que l'Open d'Orléans. Si l'Open d'Orléans est un tournoi Challenger plus gros que Rennes. Et Richard Gasquet qui... Et donc, pour l'instant, opposé à Kyrian Jacquet, c'est un autre Français, donc 2-1 pour Jacquet et pas de break puisque Gasquet sert pour revenir. À noter la présence d'Andy Murray, qui est la tête de série numéro 5 du tournoi, qui a battu Yannick Madden, l'Allemand, déjà vu d'ailleurs à Orléans aussi, 6-3-6-1. Alors, malheureusement, Dimera, on ne le verra pas à Orléans. Ça aurait été très sympa. Puisqu'ici, est là à Rennes, un challenger, il aurait pu venir à Orléans. Alors, peut-être qu'il le sera, puisqu'on rappelle, il y aura des invitations qui sont données. Alors, pourquoi pas Andy Murray, ce serait très sympa. Alors, pour l'instant, il est du côté de Rennes. Et puis, un autre tournoi. Pour l'instant, non, il n'y a pas de Français. Mais on parlera tout à l'heure, évidemment, de ce qui va arriver d'ici la fin du mois. Avec, donc, on le rappelle, pas de tournée asiatique cette année. C'est pour cela qu'il y aura un gros tableau du côté d'Orléans. Mais ça, on en reparlera tout à l'heure. Et puis, le dernier direct, malheureusement, qui s'est terminé, déjà, on aurait aimé en voir un peu plus, c'est l'Eurovolley, où l'équipe de France a été éliminée dès les huitièmes de finale par la République tchèque 3-0. Voilà, donc c'est malheureusement la mauvaise nouvelle de la soirée pour l'équipe de France, déjà battue très tôt, elle qui a réalisé un parcours sans faute en poule. Moi, on aura l'occasion d'en reparler aussi tout à l'heure, mais c'est déjà fini. Voilà, pour les Bleus, on s'attendait plutôt à un scénario inverse, hein, une victoire 3-0, comme ça a été le cas dans quasiment tous les matchs de poule. Eh ben non, c'est loin d'être le cas, ça a été tout l'inverse. Les Bleus ont été battus, donc sèchement, donc 3-0. Voilà, les quarts de finale, eh bien on en parlera après, mais seront sans les Français. Voilà, donc le programme, les directs, plein de choses, hein, on va marquer une première pause tout de suite, assez rapidement, puisqu'il est déjà 20h50 passé, 51, donc ça va très vite, et donc on va enchaîner rapidement avec un premier titre, et on revient juste après pour eh bien démarrer tout ça. Je salue aussi Sylvain s'il nous écoute, et on aura l'occasion de parler tout à l'heure des Giens, bien sûr, et s'il nous écoute, un coucou Sylvain, et qu'on aura l'occasion d'avoir assez rapidement, j'espère, d'ici une ou deux semaines, pour faire un premier point sur les premières rencontres de Gien. Et puis voilà, donc pour les directs tout à l'heure, et puis tout de suite le premier titre, et on se retrouve après pour donc démarrer dans une poignée de secondes, puisque le temps file. On écoute Live du Beaters, ça s'appelle Il Tomorrow. Et après ça, donc, on a un gros programme avec vous pour nous joindre. On rappelle 02 38 434 800 si vous voulez avec nous réagir. C'est parti, à tout de suite. Focus, find a way to help just to keep the donuts. C'était Naive New Beezers avec Heal Tomorrow à l'instant. C'était le donc, premier titre ce soir. Dans quelques minutes, voilà un autre titre. N'hésitez pas d'ailleurs à proposer ce que vous avez envie d'écouter, comme d'habitude. On nous propose plein de choses déjà, donc continuez. Et puis, je vous rappelle donc les directs foot ce soir. Le Havre-Toulouse, Retafe-Elche, Bologne-Vérone en Italie. Voilà, donc c'est direct tout en cours, tennis également. Et puis, on va d'ailleurs démarrer avec ça, mais le direct donc qu'on devait suivre ce soir, il est déjà fini. C'est alors, le match commence à 19h, c'est en volley, l'Eurovolley donc entre l'équipe de France et la République tchèque. Huitième du final de l'Eurovolley qui donc a vu l'élimination très tôt des Français en huitième de finale donc de cette Eurovolley. Grosse désillusion pour cette équipe de France, évidemment, championne d'Olympique il y a quelques semaines à Tokyo. Et donc là, grosse surprise, 3-0, battu 3-0 par les Tchèques. Voilà, donc ils ont lourdement chuté par cette équipe tchèque qui était à domicile. Hein, donc gros public, c'était à Ostrava en République tchèque, donc évidemment ça a aussi beaucoup joué. 8 balles de match sauvé pour les Français, hein. On rappelle, il y a dans le dernier set où les Bleus menaient 24-22 et ont été rejoints avant d'être passés devant et à chaque fois devoir sauver des balles de match. Et voilà, ce qui se termine par une victoire dans le dernier set, 34-32 et donc 3-0, 25-22, 25-19 et 34-32. Beaucoup de fautes au service également. Voilà, ça a été aussi la clé de cette défaite, malheureusement, pour les Français, qui donc s'arrêtent dès les huitièmes. Pourtant, il y avait une grosse phase de poule pour les Français, hein, qui avaient remporté tout simplement ces 5 rencontres de phase de poule. Hein, c'était un sans faute. Vraiment un sans faute pour les Bleus qui avaient en plus laissé un seul set dans ce parcours, hein. Que des victoires 3-0 hormis face à l'Allemagne 3-1 et puis sinon que des victoires 3-0 avec Slovaquie, Croatie, Lettonie, Estonie, puis l'Allemagne dans le 3-1, 15-7 gagnés, un seul perdu. Mais voilà, des fois c'est pas à tout de faire le boulot dans les poules, c'est après que ça se joue et là les Bleus ont été largement battus. Les 8 quarts de finale donc, verront les Pays-Bas affronter la Serbie. Ce sera à partir de demain déjà, ça va s'enchaîner. Donc demain après-midi, il y aura Pologne-Russie ensuite, ce sera le choc des quarts de finale. Hein. Clairement, Pologne, on rappelle, demi-finaliste à l'Euro de volley, aux Jeux Olympiques de volley, que les Bleus avaient battu, on s'en souvient, dans un match incroyable. Hein, et ça paraît déjà très loin ce résultat quand on voit la défaite de ce soir, mais en tous les cas, la France avait fait un sacré résultat en quart de finale, pardon, 3-2 au tie-break après avoir été mené 2-0. Et ben les Polonais, pardon, seront opposés aux Russes, finalistes, hein, des Jeux Olympiques, tout simplement. Donc ça, c'est déjà une grosse affiche, hein, dès les huitièmes, un peu. Dès les quarts, pardon, puisque si les Polonais, eux, ont terminé en tête de leur poule, eh bien, de leur côté, les Russes ont terminé seulement deuxième. Voilà pourquoi ils s'affrontent dès les quarts de finale. Donc, Pologne-Russie, demain 20h30. Et puis, mercredi, les deux autres rencontres entre l'Italie et l'Allemagne, et puis entre la Slovénie et donc la République tchèque, la France qui aurait pu affronter la Slovénie s'il s'était imposé dans cette rencontre. Slovénie qui termine deuxième de sa poule. Mais voilà, ce sera pas le cas pour les Français battus, donc on rappelle, dès les huitièmes de finale. C'était la surprise, mauvaise surprise avant de la soirée. Bon, ça demain et jeudi les quarts finales et puis les demi-finales qui vont s'enchaîner ensuite donc samedi et dimanche la finale. Voilà, donc ça va arriver vite maintenant cette fin de d'Euro qui ne verra pas la France malheureusement. Voilà pour le volet. On poursuit bien sûr après ce premier sujet. On va changer complètement d'univers hein, après avoir attaqué avec le volet athlétisme. C'était la fin, oui, de la Diamond League. Ça y est, la saison estivale, la saison plein air est terminée. C'était le meeting de Bruxelles qui a clôturé clôture la Diamond League. C'était mercredi dernier avec toutes les disciplines hein, on rappelle comme c'est le dernier meeting, et bien toutes les disciplines sont présentées hein, évidemment. Donc il y avait également noté quand même la perche où Armand Duplantis s'est encore imposé assez logiquement comme depuis le début de l'été avec un saut en 6.06 pardon, encore des grosses hauteurs. Il a encore passé un simote, ça devient une habitude pour lui. Et il a tenté encore une fois le record du monde, son record du monde en 6.18. Eh bien, ça n'est pas passé pour Duplantis, qui a échoué trois fois. Sur cette barre. Voilà, il avait déjà tenté de battre son record du monde à Bruxelles la semaine précédente, mais voilà, ça n'est pas passé. Mais en tous les cas, il a pris. Il a pris le meilleur sur les adversaires qui eux sont arrêtés à 5,93 avec Sam Kendricks qui est deuxième et Morgunov le Russe qui lui aussi s'est arrêté à 5,93. Voilà donc pour ce meeting de finale du côté de Zurich, le 100 mètres remporté par Fred Curley l'Américain en 9,87. André de Grasse, on retrouve André de Grasse le Canadien qui est deuxième en 9,91. Baker l'Américain en 9,91. Ou encore Brommel en 9,96. C'est les quatre hommes sous les 10 secondes. Et puis sur le 100 mètres féminin, c'est une habitude aussi pour elle. Hélène Thompson, la Jamaïcaine en 10,65. Donc remporte ce 100 mètres féminin. Et puis pas de malheureusement français vainqueur hein, dans... Les autres disciplines, en tout cas, c'est sa clôture. Cette Diamond League 2021, sa clôture aussi la saison en plein air. Hein. Maintenant, on va retourner en salle pour la saison estivale. Ça arrivera dans quelques semaines. On aura l'occasion de bien sûr suivre tout ça dans les prochaines semaines. Voilà pour l'athlétisme. On referme cette page et on ouvre une autre page. Tiens, un petit mot de boxe, puisqu'avait lieu un combat pour Tony Yoka, qui avait lieu à Roland-Garros. Ce combat qui a été remporté par le Français, qui s'impose au KO, 7e round. C'est Petar Milas, son adversaire, donc 7e round face aux Croates. Une victoire pour lui, une nouvelle victoire pour Tony Yoka donc à domicile. On attend maintenant son prochain combat pour Tony Yoka qui continue de s'imposer donc dans ses combats. Voilà pour le petit mot de boxe ce soir. Venons-en donc à cette partie Formule 1 avec ce Grand Prix particulier. Donc c'était le Grand Prix d'Italie à Monza et on ne retrouve pas, comme c'est le cas depuis plusieurs mois maintenant, Max Verstappen ou Lewis Hamilton vainqueur. Ça c'est dû à l'accident entre Hamilton et Verstappen. qui se sont tout simplement qui sont rentrés dedans qui ont été tous les deux contraints à l'abandon. Voilà, donc c'est dommageable pour les deux, mais voilà, il y a finalement pas de conséquences au classement ni pour l'un ni pour l'autre au final, hein, puisque les deux ne marquent aucun point. La victoire revient à Daniel Ricciardo, l'Australien, qui en profite du coup pour s'imposer devant Norris, britannique, qui lui aussi est sur McLaren, d'ailleurs les deux McLaren qui font 1 et 2, et puis Valtteri Bottas, Mercedes, qui termine 3e côté français. Esteban Ocon finit 10e, donc dans les points. Pierre Gasly, lui, a dû abandonner après des soucis avec sa monoplace, qui a dû abandonner donc assez rapidement. Donc voilà, en tous les cas, drôle de Grand Prix, et tout le cas, pas de changement en haut. Marc Verstappen conserve la tête pour 5 points d'avance devant Hamilton, et puis très loin, Bottas est 3e, mais ça ne se jouera plus avec lui. Voilà, on attend la prochaine étape pour revoir les deux au combat. Ce sera en Russie et ce sera dans 15 jours. Voilà, une petite pause, le temps d'emmener tout le monde en Russie, donc pour le Grand Prix de Russie. Ce sera donc le 26 septembre. Voilà pour la Formule 1. Autre Grand Prix qui a eu lieu, c'est un MotoGP à Aragon, donc en Espagne. Victoire pour l'Italien Francesco Bagnaia, qui avait d'ailleurs récupéré la pole position la veille. Il s'impose devant Marc Marquez, l'Espagnol, qui revient un petit peu dans les hauteurs du classement. Deuxième place pour l'Espagnol. Joan Mir, 3e. Alex Espargaro, encore un Espagnol, 4e. Le premier Français, c'est Fabio Quartararo, 8e seulement, qui a vécu quelques petits soucis avec ses pneus. Et finalement, il termine 8e. Et puis, Johan Zarco, lui, très loin, 17e, qui a eu des grandes difficultés. Et ça lui fait perdre beaucoup de points. C'est la mauvaise nouvelle pour lui ce week-end, qui fait perdre beaucoup de points en général. Quartararo conserve la tête avec 214 points, mais c'est Francesco Bagnaia qui devient 2e avec 161 points. Johan Mir, 3e, 157 points. Bagnaia, donc, qui compte 65 points de retard. 63 points de retard sur Quartararo. Rien n'est joué, mais il tourne bien devant, le Français. Johan Zarco est le grand perdant du week-end, puisqu'il n'est plus qu'à 137 points, donc il va avoir beaucoup de mal à revenir sur le podium, le Français, avec encore à venir le calendrier. Il est ici, donc pour vous confirmer aussi que le Grand Prix d'Argentine a été annulé, hein. Déjà annulé la saison passée, il ne sera pas non plus couru cette année, donc pas de remplacement, puisque pas d'autres candidatures. Donc le calendrier comptera 18 épreuves au lieu de 19 initialement, ce qu'a annoncé les organisateurs samedi. Donc il n'y avait aucune date de fixée pour ce Grand Prix d'Argentine, mais elle était inscrite provisoirement au championnat. Donc c'est annulé, la saison se terminera le 14 novembre à Valence en Espagne. Voilà, donc c'est ce qu'a annoncé aussi les organisateurs. Donc évidemment annulé au risque de pandémie, bien entendu, avec des garanties qui ne sont pas là pour organiser ce Grand Prix. Donc c'est l'annulation pure et simple du Grand Prix. Il restera donc au total 5 Grands Prix. C'est plutôt une bonne nouvelle pour Fabio Quartararo, cette annulation, puisqu'il n'a plus que 5 Grands Prix désormais. 5 Grands Prix à tenir pour rester en tête. Le prochain dimanche, ce sera le Grand Prix de Saint-Marin, donc en Italie. Suivra le Grand Prix des Amériques début octobre. Ensuite, le nouveau Grand Prix en Italie, le 24. Le Portugal, début novembre. Et puis mi-novembre, Valence, pour clôturer la saison. Et d'ici là, peut-être, on l'espère, un titre de champion du monde pour Fabio Quartararo, qui est devant encore, et donc il va devoir passer encore quelques courses, quelques grands prix, pour, on l'espère, rester leader et prendre le titre de champion du monde. Et puis c'était le retour aussi hein, du championnat du monde des rallyes donc ce week-end après presque un mois trêve. C'était en Grèce, victoire pour le jeune finlandais Kalle Rovanperä qui s'était déjà imposé en Estonie pour sa première victoire en carrière. Et ben il a récidivé donc en Grèce pour son deuxième succès en carrière. Il s'impose devant Tanak l'Estonien. Troisième place pour le Français Sébastien Ogier, qui regrappit du temps, des points surtout, pardon, sur Elfyn Evans, son poursuivant au classement, puisque le Britannique a fini sixième seulement. C'est le bon résultat du week-end pour le Français, qui reprend de l'avance, donc 180 points en tête du général, 136 points pour Evans et 130 points pour Neuville, alors que le jeune Finlandais, Rovanperä, est quatrième avec 129 points, il est très proche du podium. Et il réalise des belles performances et il va peut-être même pouvoir terminer à la deuxième place. En tout cas pour Sébastien Ogier, bien un peu plus de 40 points d'avance, c'est assez normalement pour rester en tête jusqu'à la fin, puisqu'il restera plus de 3 rallyes. Le prochain à la fin du mois, ce sera en Finlande, donc du côté de la fin du mois. Ensuite, il y aura l'Espagne mi-octobre et puis un mois suivant, mi-novembre, Monza en Italie pour finir. D'ici là, on espère que le Français sera déjà leader, enfin déjà champion. Voilà, Monza qui a été ajouté, hein, ce Ride Monza, comme l'an dernier, il a été ajouté au programme pour clôturer la saison, donc mi-novembre. C'était plutôt prévu, enfin plus ou moins, après l'annulation du Ride du Japon, qui lui déjà devait se dérouler mi-novembre, une semaine avant. Il a été annulé. On rappelle, ce rallye du Japon, ça fait déjà un petit peu. Là aussi, en cause la pandémie, évidemment. On sait la situation compliquée au Japon, donc elle a été annulée. Ça a été annoncé la semaine dernière, compte tenu des caractéristiques de la compétition. Ça se déroule sur des routes publiques et ça n'a pas été possible pour la tenue de ce rallye. Donc, ce sera Monza en Italie qui va prendre la place. Donc c'était officialisé hier, voilà, et donc du 19 au 21 novembre pour finir, comme l'an dernier déjà, c'était Sébastien Ogier qui s'était imposé. Voilà, donc bon, on espère que ce sera le même scénario où il avait été champion du monde sur ce dernier rallye. Et bah voilà, on espère que ce sera le cas encore cette année. Voilà donc pour le rallye, le championnat du monde des rallyes, qui se encore 2 mois de compétition, un petit peu comme partout d'ailleurs dans les autres disciplines. On espérait que ça va tenir pour le Français, pour ce titre, ce 8e titre, on l'espère pour lui. Voilà pour le sport mécanique. Un point de nos directs qui se déroulent en ce moment. On rappelle qu'on suit 4 directs. Le premier, c'est donc en Ligue 2 entre Le Havre et Toulouse. Pour le moment, eh bien, nous sommes à 0-0. On joue la demi-heure de jeu. Voilà, c'est entre le 12e. Et le leader, voilà, le Toulousain qui possède un petit peu d'avance en tête, hein, 3 points d'avance sur Auxerre, et qui pourrait conserver ses 6 points d'avance en cas de succès. Voilà, donc on va le voir, en tout cas il reste encore beaucoup de temps. En Angleterre, c'est la 4e journée donc de Premier League entre Everton et Burnley, 0-0 toujours. En Espagne, Getafe Elche également 0-0, c'est le début de la seconde période. À 22h, Grenade Betis Séville. En Italie, Bologne face à Lazio, 0-0 toujours également. 24 minutes de jeu. On rappelle un peu plus tôt la victoire de Sedan au Mans, c'était à National, 2-0. Et puis en tennis, Richard Gasquet qui est toujours pareil, 4-3, il n'y a pas de break dans sa rencontre face à Jacquet, donc pour le premier tour du tournoi de Rennes. Voilà pour les directs, on continue de les suivre bien sûr tout au long de cette soirée. Handball, c'était la reprise pour tout le monde ce week-end, avec une défaite pour lancer malheureusement la saison pour Saran, qui hier se déplaçait à Nîmes, qui a été battu non sans avoir résisté assez longtemps face au Nîmois. Alors c'est un match déjà compliqué pour les Nîmois, enfin pour les Saranais, pardon, à Nîmes. On le sait, un club compliqué à jouer, hein, déjà pour lancer une saison. Mais ils n'ont pas démérité, les Saranais, qui ont donc tenu une grande partie du match. Et finalement battu 31-26. Qui n'ont pas à rougir de la rencontre. Le prochain rendez-vous, il aura lieu jeudi. Attention, c'est pas ce week-end, ce sera jeudi. Ce sera le premier match à domicile. Ce sera à 20h face à Créteil. On rappelle que les matchs, vous pouvez les suivre sur Facebook, hein, le Facebook de Saran Handball, qui diffuse les rencontres. Donc voilà, c'est possible aussi de regarder sur le direct Facebook. Donc jeudi, réception de Créteil pour la première journée, enfin pour la première réception, pardon, donc dans cette première division, et Saran qui a donc perdu pour démarrer. À Nîmes, Chartres de son côté qui a bien démarré, victoire face à Nancy 28-27, petite victoire mais ça suffit pour s'imposer, et c'est plutôt sympa pour lancer la saison. Paris s'est imposé face à Istres largement 34-25, victoire des Aix en Provence, voilà pour cette première journée donc de D1 de Hand, et puis pour finir la dernière rencontre, c'était pour Montpellier qui recevait pour lancer la saison, sa saison. Montpellier qui a fait match nul face à Saint-Raphaël, 29 partout. Ah, c'est assez rare, mais ça s'est arrivé hier pour lancer cette saison, que Montpellier match nul. Voilà, donc deuxième journée jeudi pour Saran, puis le reste vendredi, samedi et dimanche. Voilà, où Paris recevra Toulouse pour donc cette deuxième journée. Et puis pour les Panthères, Fleury qui démarrait à l'extérieur, c'était à Celles-sur-Belle, défaite là aussi pour démarrer 33-30. Prochain match pour les Panthères, réception de Paris. Le Paris 92 sera mercredi, donc dans deux jours, 20h15, pour donc cette première réception. Donc pour les Panthères, qui on l'espère vont démarrer dans cette série de victoires. Ce sera donc je vais vous donner ça tout de suite au Palais des Sports, voilà, 20h15, Palais des Sports. Voilà, c'est assez sympa, vous pouvez y aller en famille, c'est gratuit pour les moins de 10 ans, bel événement, mercredi soir 20h15, voilà pour donc les Panthères de Fleury. Et puis c'était aussi le début de la Ligue des Champions, hein, ça démarre très vite. Donc mercredi avec Montpellier qui va le recevoir pour commencer, et puis Paris qui se déplacera pour lancer, ce sera jeudi de leur côté, les Parisiens, donc début de la Ligue des Champions cette semaine, donc pour les Parisiens et Montpellier. Et puis chez les filles, là aussi début de la semaine dernière avec une défaite pour Brest en Russie, c'était samedi. Et pour les Messines qui, jouaient ce week-end, pour les Messines qui, on rappelle, ont été invitées cette année pour le Ligue des Champions, qu'elles n'étaient pas qualifiées, hein, après sa deuxième place l'année passée. Et elle démarrait donc cette Ligue des Champions également. C'est la première fois d'ailleurs qu'elles ne sont pas qualifiées directement, hein. C'est assez rare, mais c'est le cas. Et les Messines qui donc ont lancé sa saison à domicile face au CSKA Moscou, et donc ils se déplaceront samedi pour la deuxième journée donc de cette Ligue des Champions. Voilà, on espère que elles vont réaliser aussi une grosse perf cette année. Il y aura également les Brestoises, hein, championnes en titre en première division, donc voilà, on espère aussi un beau parcours pour elle. Voilà en tout cas pour la première journée de Ligue des Champions. Voilà, on va attendre les prochains matchs ce week-end bien sûr. Et puis pour terminer avec le hand, bien évidemment, eh bien c'est Gien bien sûr pour terminer. Qui de son côté, on rappelle, on a reçu la semaine passée nouvelle présidente de Gien et nouveau coach également. On a eu l'interview qu'on a vue avec plaisir, qu'on a eu le plaisir de l'interviewer la semaine dernière. Et bien une première rencontre à domicile pour démarrer et une victoire, ça fait du bien pour lancer une saison en plus à domicile. Voilà, donc c'est une belle saison qui se lance, on l'espère. Donc première victoire à domicile pour Gien, qui on rappelle évolue dans première National 1 cette année. Encore victoire donc face à Saint-Cyr 25-24. Un petit point, ça suffit, un petit but qui leur permet de bien lancer la saison. Le prochain match, il sera logiquement à l'extérieur. Et ce sera un déplacement à Nantes, déjà compliqué, mais on attend évidemment cette rencontre pour les Génois avec impatience, donc à l'extérieur du côté de Nantes. Donc ce sera évidemment ce week-end et ce sera samedi à 19h, voilà, pour les Génois qui vont donc se déplacer à Nantes pour cette deuxième journée de National 1. Voilà pour le handball, une petite pause et ensuite on va revenir pour le rugby puisque eh bien ce sont les la deuxième journée de Top 14 qui s'est déroulée. Voilà, donc on va poursuivre évidemment avec ça et puis un peu plus tard le tennis bien sûr. Un petit mot de basket pour vous donner des nouvelles. Il y avait l'euro de basket, alors pas l'euro classique, mais l'euro en 3x3. On en avait beaucoup vu aux Jeux Olympiques où les Françaises avaient bien figuré. Les Français, eux, ont été battus en quart de finale de cet euro par la Serbie, malheureusement, en quart de finale donc, de l'euro, 20-17. C'était hier à Paris. Donc les Français malheureusement battus. Voilà, donc c'était donc hier cette défaite. Et puis donc la Serbie a remporté le titre chez les hommes et c'est l'Espagne qui a remporté le titre chez les femmes. Donc c'était hier donc à Paris. Et les Françaises, elles, terminent troisième du championnat d'Europe. Donc elles se sont imposées face à la Russie 19-13, étaient les Françaises qui étaient double championnes d'Europe en titre, on le rappelle, quatrième aux Jeux Olympiques, défaite face à l'Espagne en demi-finale, et donc ensuite, elles sont bien revenues puisqu'elles ont remporté le bronze en battant la Russie. Donc voilà, c'était l'euro du basket 3x3. Voilà, qu'on voit de plus en plus, on en avait vu beaucoup, on le rappelle, aux Jeux Olympiques et on a eu l'occasion bien d'en voir cette fois, c'était à Paris hier à l'occasion donc de l'Euro. Voilà, et puis après pour la reprise des championnats, on le rappelle, ce sera pas avant octobre, pour le début octobre pour la première division donc championnat de France, et pour la NBA et eh bien reprise le 20 octobre. Voilà, on a une date, ce sera pas avant un gros mois. Voilà donc la petite actualité basket qui est encore évidemment assez calme avec la reprise dans une quinzaine de jours pour le championnat de France. Voilà, une pause et puis donc je le disais, et après rugby, Top 14, donc tennis, l'US Open bien sûr, Open d'Orléans, et après le foot, on aura Jérôme avec nous d'ici combien de temps? Eh bien d'ici un petit quart d'heure, voilà, pour revenir avec lui sur l'actualité football. On donc marque une pause et on revient après pour tout ça. On va écouter ce titre qui va partir tout de suite. Non, c'était ça qui devait partir. C'est donc Stardust qu'on écoute tout de suite avec ce titre Music Sounds Better With You. Juste après, on revient pour donc la deuxième partie et le programme que je donne. Et les directs aussi, on n'oublie pas, bien sûr. Toulouse a ouvert le score. Du côté du Havre, 1-0 donc pour les Toulousains, qui mènent donc pour le compte de la 7e journée de Ligue 2. Voilà, qui reste en tête pour l'instant grâce à succès. A tout de suite pour la deuxième partie. C'était Stardust Music Sounds Better With You, c'était le deuxième titre ce soir. On revient avec donc le rugby. Avant ça, les directs, donc ça a bougé, je vous le disais avant la pause, puisque Toulouse a ouvert le score sur la pelouse du Havre 1-0, donc après 40 minutes de jeu. Pas de but ensuite hein, entre Everton et Burnley, Retafe, Elche ou encore Bologne-Vérone, toujours 0-0 dans toutes ces rencontres. Voilà. Pour les directs. Le rugby, donc, c'était la deuxième journée de top 14. Deuxième journée, conclue hier par la belle victoire toulousaine face à Toulon, 41 à 10. C'était le choc du week-end. Victoire Toulouse assez large. Perpignan a battu Biarritz en début de week-end. Clermont a chuté à domicile, c'est la seule défaite à domicile, pardon, et donc la seule victoire extérieure pour Castres, donc a battu Clermont, et puis ensuite que des victoires à domicile pour le Racing, Bordeaux, Pau ou encore Montpellier, tous vainqueurs à domicile. Le classement, donc c'est donc Toulouse qui prend la tête du classement avec 9 points grâce à un point de bonus offensif. Racing, Castres avec 8 points, Montpellier encore avec derrière avec 6 points. Stade Français pour l'instant a perdu 2 rencontres. On enchaîne bien sûr la troisième journée ce week-end avec donc toujours le samedi nos 6 rencontres et qui se conclura d'ailleurs samedi soir par Clermont-La Rochelle. Et puis le dimanche, ce sera Toulon qui va recevoir le Stade Français. Voilà pour fermer la journée dimanche soir. Voilà pour le top 14. Et puis la suite du tournoi dans l'hémisphère sud avec la Nouvelle-Zélande, l'Afrique du Sud, l'Australie, l'Argentine, le fameux rugby championship. C'était la reprise après un petit peu de pause puisqu'il y a eu la Nouvelle-Zélande qui avait reporté toutes ses rencontres avec des cas de Covid. Et les matchs qui ont repris. La semaine dernière, la Nouvelle-Zélande qui a repris par une victoire en Australie 38-21. Et puis hier, c'était les deux autres rencontres. Nouvelle victoire néo-zélandaise face à l'Argentine 39-0. Le carton plein pour les néo-zélandais qui donc s'imposent assez largement avec 5 essais. Et puis hier, c'est l'Australie qui a battu l'Afrique du Sud. Petite victoire 28-26. La conséquence, la Nouvelle-Zélande est toujours en tête avec 15 points, 3 sur 3. L'Afrique du Sud 10 points, l'Australie 4 points et l'Argentine toujours 0 points. Encore 3 week-ends de compétition, le prochain dimanche avec Australie, Afrique du Sud et Argentine, Nouvelle-Zélande. Alors les mêmes matchs mais donc inversés, extérieur, puis après il y aura encore les matchs retour du coup. Donc dans cette compétition, on rappelle que l'Australie du coup avec sa victoire face à l'Afrique du Sud, eh bien repasse devant l'équipe de France au classement mondial, la France donc qui descend à la 6e place à conséquence de cette victoire australienne. Le classement toujours dominé évidemment par l'Afrique du Sud, champion du monde, la Nouvelle-Zélande toujours 2e, l'Angleterre 3e, l'Irlande 4e, l'Australie donc repasse 5e, la France perd une place donc 6e, l'Argentine perd également une place 7e, l'Écosse, Pays de Galles et le Japon pour finir dans donc ce classement. Les États-Unis qui ont battu le Canada ce week-end affronteront l'Uruguay, on rappelle, pour une place pour la Coupe du Monde 2023. Et eux, du coup, prennent une place. Ils sont 16e, les Américains. Donc, ils auront leur avenir pour la Coupe du Monde en France dans 2 ans. On affronteront l'Uruguay cette semaine. Voilà pour le petit point classement mondial. Et voilà pour le point donc tennis de rugby. Tennis, c'est maintenant justement. Avec d'ailleurs à direct toujours, c'est Richard Gasquet face à un autre Français. Donc dans un tournoi à Rennes, c'est Kyrian Jacquet 5-6-6 même tie break cette première manche. On rappelle, c'est un tournoi challenger à Rennes et tournoi challenger, on en parlera après puisqu'il y aura l'Open de Rennes à la fin du mois et on vous en parle dans un instant. Je vous rappelle aussi l'actualité de la soirée tout à l'heure, la défaite de l'équipe de France de volley qui a été éliminée dès les huitièmes de finale de l'Euro volley. C'était tout à l'heure battu par les Tchèques 3-0 après pourtant un parcours parfait jusque là et les Bleus donc des illusions pour eux qui sont éliminés déjà dès les huitièmes. On revient donc tennis avant de parler de l'Open d'Orléans, c'était l'US Open hier et le rêve de Novak Djokovic qui s'est écroulé, le rêve de Grand Chelem bien sûr. Il avait le rendez-vous avec l'histoire hier soir en finale puisqu'il avait donc remporté les 3 premiers tournois de Grand Chelem de la saison et celui-ci est manqué pour réaliser le fameux Grand Chelem. Grand Chelem réalisé une seule fois dans l'Air Open, c'était au tout début de l'Air Open en 1969. Rod Laver avait été cet homme-là toujours là, Rod Laver qui était d'ailleurs hier bien sûr dans les tribunes pour assister peut-être à ce nouveau Grand Chelem, mais non, ce sera toujours lui le seul pour le moment à avoir réalisé cette performance. Il l'a fait 2 fois même, la première c'était avant l'Air Open et puis il l'a ensuite réalisé au début de l'Air Open et jamais personne n'a réalisé pareil prouesse, si ce n'est chez les filles où la dernière Steffi Graf avait elle réussi à faire cette performance. Steffi Graf elle l'avait réalisé l'Allemande, elle l'avait réalisé alors qu'elle a remporté 22 grands chelems, hein, elle l'avait réalisé en 88, d'autant plus qu'elle avait également réalisé le grand chelem doré, puisqu'elle avait remporté en plus les Jeux Olympiques cette année-là, un exploit unique. Alors si chez les garçons il y a eu donc un grand chelem, il n'y a jamais eu de grand chelem doré. C'était aussi l'objectif de Novak Djokovic cette année avec les Jeux, mais il y a eu cette défaite aux Jeux et puis cette défaite à l'US Open, on va en parler dans un instant. Mais Steffi Graf, elle a réalisé ce que personne n'avait fait avant elle et personne ne l'a fait depuis, donc s'imposer au final des Jeux de Séoul en 88 et associé à ses victoires dans les autres tournois du Grand Chelem, donc le Grand Chelem doré, qui n'existait pas avant ce terme d'ailleurs, puisque personne n'avait réalisé une performance pareille. Et donc Steffi Graf, finalement, c'est la seule à ce joueur à avoir remporté et réalisé ce Grand Chelem doré, donc à seulement 19 ans, 18 ans même. Voilà, donc en tous les cas, il n'y a pas eu de grand chelem doré ni de grand chelem pour Novak Djokovic, puisqu'il a été battu hier en finale du US Open 6-4, 6-4, 6-4. Dépassé par les émotions peut-être, en tout cas, il n'a pas été au rendez-vous le Serbe, trop de fautes commises. Et un grand Daniil Medvedev, tout le mérite lui revient évidemment, qui a été implacable sur son service avec 16 aces. Et oui, c'est vrai que le Serbe lui a raté sa finale, beaucoup trop de fautes directes. Voilà, on a cru peut-être pendant un moment en fin de match que le Russe allait craquer au moment de servir pour le match. Ça a été le cas à 5-2 où il a commis une double faute sur sa première balle de match, puis ensuite une deuxième pour offrir une balle de break au Serbe qui a réalisé ce débreak. Et malheureusement pour lui à 5-4. Eh bien, le Russe n'a pas craqué cette fois au moment de servir sa deuxième balle de match. Il y a une nouvelle double faute, mais la suivante a été la bonne. Et c'est son premier grand chelem pour le Russe. Donc, à 25 ans, il remporte son premier titre du grand chelem. Pour Djokovic, eh bien, il faudra patienter pour non seulement passer devant, en termes de grand chelem, devant Federer et Nadal. Mais pour le grand chelem, bah, ça semble compliqué maintenant. Hein. C'est très rare de pouvoir avoir cette opportunité deux fois dans une carrière. Serena Williams, ça avait été la dernière en 2015 à avoir cette opportunité en arrivant à New York de faire ce grand chelem. Mais deux fois en carrière, c'est compliqué et on ne sait pas si une autre occasion se présentera pour le CERN. En tous les cas, il a été dépassé un petit peu sur cet événement. Trop de pression, et c'est vrai qu'il a vécu des dernières semaines très difficiles après les Jeux Olympiques. Il a participé à aucun tournoi de préparation, même si son tournoi a été un petit peu compliqué, un petit peu en dents de scie avec des matchs en 4-7, des premiers 7 perdus, mais il s'en était sorti face à Zverev en demi-finale en 5 manches, mais ce n'est pas passé ensuite pour le Serbe face aux Russes. Trop fort hier pour lui, et il faudra patienter maintenant pour en tout cas dépasser déjà les deux autres hommes en tête du classement des grands chelems à 21. Il faudra patienter encore au moins jusqu'à l'Open d'Australie. En tous les cas, Daniil Medvedev, lui, remporte ce premier grand chelem dans sa carrière et il se rapproche, il grappille un petit peu, on va voir au classement de terrain sur le Serbe. Chez les femmes, c'était une finale inédite entre deux jeunes joueuses. C'était d'abord d'un côté Emma Raducanu, une jeune britannique de 18 ans qui a fait l'exploit de s'imposer donc dans ce tournoi. Elle qui était issue des qualifications, c'est la première fois que ça arrive qu'une joueuse dans un tournoi du Grand Chelem, en tout cas qu'une joueuse issue des qualifications remporte le tournoi. Et son parcours, il est simple, 10 matchs puisqu'il y avait 3 matchs en qualif. 10 matchs, aucun set perdu. Voilà, c'est du grand art pour elle. Elle affrontait en finale Leila Fernandez, canadienne de 19 ans, voilà, deux jeunes joueuses. Et la britannique donc, qui s'impose. Elle était 150e mondiale avant donc ce tournoi. On va le voir, elle a beaucoup évolué. En tous les cas, c'est elle qui remporte cette US Open chez les femmes et premier titre évidemment pour elle. Chez les messieurs en double, victoire de la paire Ram Salisbury qui a battu la paire notamment composée de Jamie Murray, frère des Murray. Stodzur, Samantha Stodzur, l'Australienne, a remporté le double femme. Elle est associée à Zhang, la Chinoise. Et voilà, donc pour le palmarès complet donc de cette US Open. En 2021, un point sur le classement, bien sûr, après ce tournoi. Donc, Djokovic est toujours leader. Très peu d'avance, plus autant d'avance qu'avant sur Daniil Medvedev, puisqu'il a grappillé des points. Alors, il peut encore finir l'année numéro 1. Il ferait quand même beaucoup de choses et qu'il participe à beaucoup de tournois avec des victoires. Djokovic, lui, n'a peu de points à défendre. On ne sait pas son programme encore. Tsitsipas toujours 3e, Zverev 4e. La conséquence aussi de cette US Open, c'est que Rafael Nadal sort du top 5 puisqu'il n'était pas présent. Voilà, il est 6e. Voilà, donc ça n'était plus arrivé depuis un petit moment pour l'Espagnol qui donc passe 6e. C'est Rublev qui récupère cette 5e place. Berrettini est 7e désormais. Dominic Thiem perd 2 places, il est désormais 8e. Roger Federer toujours dans le top 10, ça tient un peu de choses, il est 9e avec peu d'avance maintenant sur ses poursuivants. La sortie du top 10 est proche puisqu'il y a derrière Casper Ruud, le Norvégien, 10e, Félix Auger-Aliassime, 11e, qui sont très très proches, ou encore Denis Shapovalov, là aussi assez proche, 12e, Urquaz, 13e. Les premiers Français, c'est Gaël Monfils, qui est 20e, toujours dans le top 20. Hugo Humbert, 26e. Manarino, Benoît Paire, voilà, qui sont ensuite derrière. On en reparlera, puisqu'il y aura dans un instant avec l'Open d'Orléans. Je vous parlerai de tous ces joueurs. Gilles Simon réintègre le top 100, il est tout juste 100e. Pierre Garbert, lui aussi, réintègre le top 100, il est 98e. Voilà, donc, et à la race, le classement à la race qui verront les 8 participe au Masters en fin d'année. Eh bien, pour le moment, bien sûr, ça bouge pas. Djokovic en haut, Medvedev 2e, Tsitsipas 3e, Zverev, Rublev, Berrettini, Nadal, qui est toujours dans ce top 8. Bon, et la saison est finie, donc dans tous les cas, il n'ira pas au Masters, même s'il est qualifié. Hein. Casper Ruud 8e, et puis Urquaz 9e, lui qui pourrait profiter de l'abandon de Nadal pour aller chercher ce tournoi en fin d'année. Et puis chez les dames, donc, toujours en haut, Ashley Barty, Sabalenka, Pliskova, Svitolina, Osaka dans le top 5. Et puis la grosse progression, je vous le dis, c'est pour Emma Raducanu, la jeune Britannique, 127 places gagnées. Elle est désormais 23e, elle était 150e avant le tournoi. Énorme progression. Et puis pour la jeune Canadienne, elle aussi, grosse progression pour sa finale, Fernandez. 45 places de gagner, elle est 28e. Voilà, donc les deux joueuses qui ont profité de ce tableau dégagé pour aller récupérer une place dans le top 30 directement. Première française, Caroline Garcia, 60e, Ibanovic, 68e, Elsa Cornet, 72e, donc de ce classement des femmes. Voilà pour donc le tennis. Et puis un petit point sur le table la semaine. Donc on le disait. Qui a noté juste un passage qu'un Français s'est imposé, c'était la semaine dernière, à Saint-Tropez, dans le Challenger de Saint-Tropez. C'est Benjamin Bonzi qui s'est imposé dans ce tournoi Challenger, donc le Français. Cette semaine, je vous le disais, et puis qui a récidivé encore hier, c'était à Cassis, là aussi un Challenger. Benjamin Bonzi, victoire face à Lucas Pouille, dans le Français, 7-6, 6-4. Donc deux victoires consécutives pour le jeune Français. Rennes cette semaine, c'est là aussi un challenger, donc le programme avec Richard Gasquet, je le disais, qui sera présent. Beaucoup de Français, hein, Lucas Pouille, Antoine Wang, Benjamin Bonzi sera là aussi encore présent, Grégoire Barreur, voilà, on nous parlera, mais des Français qu'on retrouvera beaucoup pour la plupart à Orléans, qui aura lieu donc à la fin du mois, et puis il y aura un petit peu avant aussi la Lever Cup, hein, comme chaque année, qui sera empilée de pas mal de joueurs, bien sûr, Nadal notamment, Djokovic, Federer, n'y seront pas dans cette fameuse Lever Cup. Voilà pour le programme de la fin du mois. Et puis donc, comme je le disais, l'Open d'Orléans qui arrive. Alors, un petit peu de changement pour cette 16e édition. Alors, elle n'a pas eu l'année passée, elle sera cette année. 48 joueurs cette année. 48 joueurs pendant l'année passée normalement, mais bien plus que 32 voilà cette année. Donc 23 joueurs qui sont déjà inscrits, 4 qui vont suivre, qui seront issus des qualifications, 2 spécial exemple et 3 invitations, dont 2 par l'Open d'Orléans et 1 par la Fédération française de tennis. Il y aura également 3 invitations pour les qualifs et 3 pour les doubles. Voilà. Donc les qualifications, ce sera le dimanche 26 et lundi 27. Voilà, je vous en reparlerai. Les doubles débuteront le mardi, le 28. Voilà, donc le prize money donc n'a pas bougé, hein. La dotation hein, pour le tournoi, contrairement à beaucoup de tournois challenger, bien l'Open d'Orient a souhaité maintenir ce prize money assez élevé, 132 000 euros, un peu plus de 132 000 euros, malgré l'annulation l'an dernier. Donc ça a évidemment engendré beaucoup de déficits, mais les partenaires ont bien suivi cette année, qui a permis de conserver le tournoi. Voilà, donc les différents titres, il y aura bien sûr le Palais des Sports, qui accueilleront tous les matchs de simple et beaucoup de matchs doubles. Et puis le CJF Tennis à Fleury, comme d'habitude, enfin Saran, mais CJF Fleury, accueilleront les matchs de double, les entraînements et également les qualifications, où c'est gratuit hein, d'ailleurs pour ce cours de CJF à Saran. Voilà, évidemment il y aura le pass sanitaire, ça on le rappelle encore une fois, mais qui sera de vigueur, avec le port du masque conseillé. Voilà, donc les gestes barrières, bien entendu. Voilà, donc ça risque, c'est la logique, bien entendu. Donc, le pass sanitaire, donc pour tous les adultes, donc du 27 au 29 septembre, et ensuite à partir du 30, tous les adultes et les mineurs de 12 ans aussi, hein, puisqu'à partir du 30 septembre, on rappelle, ça change, l'obligation du pass sanitaire pour les mineurs à partir de 12 ans sera obligatoire. Donc voilà, donc pour le début du tournoi, les deux premiers jours, pour les adultes, et à partir du mercredi, le 30, eh bien, on aura aussi le pass sanitaire pour les enfants à partir de 12 ans. Voilà, c'est important de le préciser, bien sûr. Voilà, les joueurs, eux, sont pas présents sont présents pour leur match forcément, mais ils sont pas présents pour les interviews puisqu'ils sont retournés à leur hôtel directement. Pas de séance d'autographe cette année malheureusement. C'est aussi logique. Voilà. Et puis le fameux jour des enfants le mercredi avec beaucoup d'enfants des différents clubs pourrait être annulé cette journée. Ça sera à voir aussi bien sûr. En fonction des conditions. Le tableau de cette année, le même que l'année passée, l'affiche, hein, on a bien entendu gardé la même configuration. Les qualifications, le dimanche 26, ça sera à partir de 11h, le lundi également, et puis après, les matchs à partir de 11h tous les jours, jusqu'au vendredi, où les quarts de finale auront lieu à partir de 13h, le samedi, demi-finale à 14h, puis la finale dimanche, 14h30. Voilà, comme d'habitude, c'est assez classique au niveau des horaires. On aura donc le tableau, je vais vous le donner. Évidemment toujours la présence de Sébastien Grosjean, l'ambassadeur, hein, voilà, donc qui sera toujours présent. En revanche, Michael Audra qui était là pour les éditions de 2007 à 2019 avait été remplacé par Nicolas Scudé, qui ne sera plus qui sera plus capable d'assumer son rôle puisqu'il est désormais du côté de la Fédération française de tennis. Donc Sébastien Grosjean sera le seul ambassadeur cette année. Voilà donc. Et puis donc le tableau, bien sûr, qui va se décomposer de la façon suivante, avec deux anciens vainqueurs. Pierre-Hugues Herbert, qui avait remporté en 2016 le tournoi, sera présent. Norbert Gombos, l'année suivante, en 2007, sera également là. 8 joueurs français au total. Richard Gasquet, qui devait être là l'année passée, sera là cette année. Lucas Pouille, Gilles Simon, Grégoire Barreur, qu'on a déjà vu, Arthur Rinderneck, qui est dans la plupart des tournois en ce moment, Benjamin Bonzi, qu'on le disait, qui reste sur 2 victoires consécutives, Antoine Wang, qui avait été finaliste en 2018, seront tous là. Et puis des anciens joueurs du top 50. Richard Berankis qui sera là, Mikhail Kukushkin, Jiří Veselý, João Souza, Feliciano López, l'Espagnol sera là, qui était 12e, qui a été tout, top 12e, pardon. Et puis Fernando Verdasco, lui qui était 7e, sera également présent. Donc c'est quand même un gros gros tableau qui nous attend. Donc pour cet Open Orient, le tirage au sort le samedi 25 septembre, donc pour connaître les affiches. On espère évidemment qu'on pourra avoir des grosses affiches pour un peu plus tard dans le tournoi. Ça dépendra bien sûr de ce tirage au sort, bien sûr. Voilà pour l'Open d'Orléans. Je vous un petit passage de la conférence de presse de Didier Gérard, et puis on revient juste après. Donc c'était lors de la présentation du tournoi la semaine passée. Je vous en passe un petit extrait. C'est écoulé, elle a été compliquée, quoi. Il a fallu passer sous 4. Elle a été très douloureuse mentalement. Maintenir les équipes sur le pont, parce qu'on a repoussé 4 fois le tournoi pour avoir une désillusion terrible d'annulation. Et puis après, quand le gouvernement a ouvert les portes fin mai, remettre le train en route, retrouver tous les wagons, parce que on ne savait plus où étaient les wagons. Et donc un grand merci à mes équipes d'avoir été fidèles à l'Open d'Orléans, et bien évidemment un grand merci à tous les partenaires qui, sans eux, on n'existerait plus. Donc là, on y est, ça va avoir lieu, la 16e édition qui se fait attendre depuis... Oui, donc dans 3 semaines et demie, on y sera. Dans une semaine, on a les joueurs. Donc on a l'impression que le cauchemar a l'air de s'arrêter. Mais vous ne serez pas surpris si je vous dis que j'ai hâte d'attendre le dimanche 3 octobre, que le tournoi soit terminé et bien terminé, pour que je puisse enfin souffler. Et ça fera 2 ans que j'attends ce moment. Vous avez vraiment failli disparaître à l'Open d'Orléans? Ah ben oui, plusieurs centaines de milliers d'euros de déficit. S'il n'y a pas les partenaires derrière, malheureusement, j'ai pas la fortune personnelle pour pouvoir faire repartir pour moi, à moi tout seul, le tournoi. Moi comme d'autres, parce que je ne suis pas le seul, hein, vous regardez la liste des tournois ATP dans le monde, il y en a un certain nombre qui ont disparu, d'autres qui ont divisé par deux leur budget et leurs points, et nous, on a réussi l'exploit assez incroyable de survivre et de maintenir le même niveau de tournoi. Comment ? Grâce aux partenaires qui nous ont aidés à ce que le bateau ne coule pas. Et après, comme d'autres partenaires, on m'a dit on va signer sur plusieurs années pour montrer à tout le monde qu'on est là et bien là et qu'on veut que ça perdure. Et des partenaires qui ont augmenté leur participation. Enfin voilà, il y a eu une prise de conscience, que je leur ai dit des choses, je leur ai montré, j'étais transparent. Hein, et donc, il n'était hors de question pour eux que l'Open d'Orléans disparaisse, alors que c'était un événement qui marchait extrêmement bien. Donc ça fait chaud au cœur, et évidemment ça décuple encore plus notre envie de pouvoir continuer la belle aventure démarrée en 2005. Le mot de renaissance a été dit là à la fin, c'est un peu le sentiment que vous avez de repartir presque comme un renouveau? Ah, tout à fait, oui. Parce que quand vous arrêtez une machine pendant 2 ans, c'est vrai que même si on a espéré le faire démarrer, mais on n'enclenchait pas la machine jusqu'au bout parce qu'on savait que ça serait compliqué. Donc oui, il nous manque quelques automatismes. Je vais pas vous raconter d'histoire. En tout cas, quand le tournoi va redémarrer le lundi, je vais pas avoir les mêmes certitudes, les mêmes habitudes, la même assurance. C'est même avec l'expérience que j'ai, ça sera quelque part un renouveau tout à fait. En termes sanitaires, est-ce que vous pouvez nous dire, est-ce qu'il y aura une jauge, est-ce que ce sera un tournoi normal? On imagine que non. Alors, à ce jour, et à ma connaissance, les événements en indoor sont plafonnés à 5000. Donc, le petit palais des sports de 3000 rentre parfaitement dedans. Et le pass sanitaire est notre bouclier pour que l'Open d'Orléans puisse avoir lieu. Donc, inutile de vous dire que le pass sanitaire sera parfaitement exigé à l'entrée pour quiconque. Et puis, bien sûr, le masque dans le palais des sports. Vous parliez des joueurs tout à l'heure. Est-ce que vous avez déjà des pistes pour les invitations? Non, je n'ai pas de piste parce que aujourd'hui, d'abord, comme je vous l'ai dit, les portes sont ouvertes pour le réenclenchement du tournoi fin mai début juin. Donc inutile de vous dire que les joueurs n'était pas ma priorité. Ma priorité, c'était l'organisation, les partenaires, le pass sanitaire. Enfin, c'était tout ça mes préoccupations. J'ai des joueurs et des entraîneurs qui m'ont appelé pas plus tard qu'hier soir, et donc pour avoir des nouvelles, pour savoir si le toit se faisait bien. Je leur ai dit oui, le toit se fait bien. Donc maintenant, ils vont s'inscrire et j'aurai la liste. L'ATP va me le confirmer à partir de mardi prochain. Mais je vous dis que à aujourd'hui, je ne sais aucun joueur inscrit au tournoi parce que je n'ai pas été chercher plus loin que ça. J'attends tranquillement lundi prochain ou mardi prochain, parce que à l'Open d'Orléans, comme vous le savez, il y a toujours eu de très grands joueurs, et qui plus est avec la restriction des tournois, eh bien il y a moins de tournois, donc il y a moins de place pour les joueurs, et donc les places sont très chères, et donc je sais que cette année on aura peut-être des cerises sur le gâteau. Ça nous mettra un petit peu de baume au cœur par tout ce qu'on a passé ces dernières années. Oui, c'est ce qu'on a l'air de comprendre, c'est que vous avez bon espoir d'avoir un très beau tableau. Oui, Sébastien Grosjean, s'il était là, vous le confirmerait. Lui qui est capitaine de Coupe Davis, actuellement, il n'y a que trois joueurs qui sont engagés dans les tournois ATP 250. C'est Adrian Manarino, Gaël Monfils et Benoît Paire. En dehors de ces trois-là, tous les autres joueurs ne sont inscrits nulle part. Ils ne rentrent pas ni à San Diego, ni à Sofia. Donc vous faites le calcul. Je ne parle que des Français. Alors vous dites, on parle bien des joueurs étrangers qui sont dans le top 50, 60, qui n'ont pas de place. Donc il est plus que probable que le tournoi 2021 risque d'avoir un niveau jamais atteint. Ça sera une maigre récompense comparée à tout ce qu'on a souffert, mais on sera content de l'avoir. Okay. Merci Didier. Merci. Voilà, donc pour l'interview de Didier Gérard, c'était donc à l'issue de la soirée de présentation, donc il y a un peu plus de deux semaines maintenant. Voilà, donc à ce moment on n'est évidemment pas encore la liste des joueurs, je vous l'ai donné il y a quelques instants, donc évidemment c'est plutôt un très très gros tableau. On rappelle qu'il est possible, puisqu'il n'y a pas de tournée asiatique cette année, historiquement, qui a lieu toujours à la fin du mois de septembre. Et voilà, avec les conditions qu'on connaît, évidemment, ça n'a pas été jouable. Donc évidemment, c'est plutôt sympa pour le tournoi qui va avoir un sacré tableau cette année. Et donc on attend aussi les invitations un petit peu plus tard, parce que ça nous réserve donc dans cette Open d'Orléans. Voilà pour le point complet tennis. On va parler de foot dans un instant. Alors Jérôme avec nous aussi, donc dans quoi une poignée de secondes, le temps donc de revenir sur un petit peu ce qui s'est passé aussi dans nos matchs en direct. Toulouse mène toujours 1-0, ça a aussi marqué en Espagne Elche 1-0, c'est là dans le temps additionnel, donc face à Rétafé, c'est plutôt fini, et pas de but ailleurs pour l'instant. Un petit point sur ce qui s'est passé à l'étranger, et puis bien sûr ensuite on revient sur le foot en France. Évidemment, c'est là aussi, on va y revenir avec Jérôme. Je fais un petit point en Allemagne très rapidement. Victoire du Bayern 4-1 face à Leipzig, victoire aussi du Borussia 4-3 face à Everton, c'était un gros match. Ou encore celle de Borussia Mönchengladbach 3-1 face à Bielefeld. Ça fait que Wolfsburg est leader, puisque Wolfsburg a encore gagné 4 sur 4. 12 points, Bayern 10 points, 2e, Dortmund 3e, 9 points. Et on a ensuite Mayence, Leverkusen 6e notamment de ce classement pour le moment. Voilà donc pour l'Allemagne. On poursuit avec l'Espagne. On a vu un très grand hier, Karim Benzema, auteur d'un triplé donc face au Celta Vigo, 5-2. C'était le match pour le Français hier, pour les Français, puisqu'il y a également Camavinga pour ses débuts avec le Real qui a marqué, puis Vinicius pour le dernier but. 5-2 donc. Le Barça n'a pas joué face à Séville. Le match a été reporté. Voilà donc entre Séville et Barça, donc pas de match. De même que Villarreal Alavés, pardon, a été reporté donc de cette journée, de cette quatrième journée. Et pour finir, la victoire de l'Atlético de Madrid du côté de l'Espagnol Barcelone, 2-1. Pas de but pour malheureusement pour le moment pour Griezmann, qui fait son retour à l'Atlético, mais des Français qui ont marqué quand même Carrasco et Lemar, voilà, les buteurs de l'Atlético, donc qui s'imposent donc du côté de cette Liga. Donc le classement pour le moment, le Real est leader 10 points, Valence 10 points, Atlético Madrid 10 points. Voilà pour le moment le classement. Donc en haut, on a oublié l'Italie au passage, mais on y revient rapidement avec la Juve qui a été battue une nouvelle fois face à Naples 2-1. Victoire de notamment de la Roma face à Sassuolo 2-1. Victoire aussi de l'AC Milan face à la Lazio 2-0. Et puis toujours un match en direct, on rappelle. C'est la Roma qui est leader avec le Milan AC, Naples tous à 3 points, tous à 3 victoires, donc 9 points. L'Inter 7 points, la Lazio 6 points, la Juve en danger avec 1 point, enfin danger. On n'est qu'à en début de saison, mais beaucoup déjà de retard puisqu'il n'y a qu'un seul point après. Donc 3 journées. Et on termine avec, bien entendu, l'Angleterre. Alors qu'on parle aussi de la Ligue des Champions, hein, puisque ce sera déjà cette semaine, ça va vite arriver. La Première Ligue avec les débuts de Ronaldo à United. Enfin, les débuts, le retour surtout de Ronaldo à United. Et bien doublé pour démarrer, pour son grand retour. Pour Cristiano Ronaldo, Fernandez et Lingard aussi. 4-1 victoire tranquille de United. Victoire aussi plus étriquée pour City qui a été battre Leicester 1-0. C'est Sylvain le seul buteur. L'Arsenal aussi qui ça va mieux, qui a enfin gagné, ça c'était face à Norwich 1-0, Aubameyang pour le but. Et puis Chelsea aussi qui a gagné face à Aston Villa 3-0 ce week-end. Liverpool aussi de même 3-0 à Leeds, ça va mieux aussi pour Liverpool. Et puis Tottenham pardon, largement battu face à Crystal Palace là aussi sur le score de 3-0. Manchester United et Chelsea et Liverpool sont à 10 points. Voilà, c'est le trio de tête avec la même différence de but en plus, tout pareil. Manchester City est à 9 points, Brighton, Tottenham 9 points. Ça va un petit peu pour Arsenal qui est seulement 16e malgré tout, alors qu'il était dernier avant cette rencontre. Ça va quand même un tout petit peu mieux pour Arsenal, même si c'est pas encore ça bien sûr. Je regarde rapidement le programme de cette semaine. Choc entre Tottenham et Chelsea, ce sera dimanche après-midi. Alors mis ça, pas de choc donc à mettre en avant. Voilà pour le point aussi en Angleterre. Une petite pause, le temps de se mettre en contact avec Jérôme, et puis on revient pour un petit mot de l'équipe de France pour ces trois matchs, donc qualification. La France toujours en tête de son groupe. On en reparle un petit mot juste après, très rapide. Un mot aussi de la Ligue des Champions cette semaine, le programme on vous le donnera, mais avant ça bien sûr on fera un point avec l'USO national, avec la Ligue 2 pour donner un petit point de classement, et la Ligue 1 bien sûr pour finir par l'autofoot. Tout ça ne sera pas trop dans une cette demi-heure. Une pause donc, et on revient donc pour Jérôme avec nous on le disait juste après la pause en fait, hein. Donc une pause justement proposée aussi pour finir tout à l'heure le titre que vous voulez qu'on écoute pour terminer. On va écouter ce titre qu'on nous propose, et eh bien on repart en arrière avec les années 90. C'est parti, on écoute ça et on revient juste après. Ça s'appelle Water Time. C'est Black Brooks tout de suite. Juste après, on revient pour la troisième partie. Jérôme avec nous dans un instant, tout de suite. Il est 22h03, pardon. C'est l'heure d'un du sport. On se retrouve dans quelques secondes pour la deuxième partie. A tout de suite sur Arc-en-Ciel, l'heure d'un du sport. C'était donc Ride and Time avec Black Box à l'instant pour ce troisième titre. On poursuit avec le foot. On était sur notre tour d'Europe à l'instant. Les directs, on y revient, ça n'a pas changé. Toulouse mène 1-0, toujours sur la pelouse du Havre, il reste un peu moins d'une demi-heure. En Angleterre, 0-0 entre Everton et Burnley. Elche a battu Retafe il y a quelques instants 1-0. C'est en Espagne. Début depuis 6 minutes de Grenade-Séville, toujours dans cette Liga. En Italie, Bologne 1-0, toujours une demi-heure aussi à jouer, 0-0 également. Chargaski qui a remporté la première manche dans son match face au jeune français Jacquet, 7-6 donc dans le tie-break. Il mène 4-2, service à suivre dans le deuxième set, donc avec un break toujours d'avance. Un petit mot, on dit qu'on s'était arrêté avec l'équipe de France la semaine dernière avec deux matchs nuls. Ça s'est mieux fini pour la France, victoire face à la Finlande 2-0 avec un doublé pour Antoine Griezmann. Un bien meilleur match avec une bonne entente avec notamment Karim Benzema, donc ça fait une victoire plus encourageante qui permet à la France de rester en tête 12 points. Ukraine et Finlande 5 points. À noter toutefois que la France possède toujours un match d'avance sur l'Ukraine et deux sur la Finlande. Donc ça ne veut pas dire grand-chose. Si la Finlande remporte deux matchs, la Finlande revient à un point de la France. Donc tout ça se réglera au mois d'octobre, donc le 9 et le 12 octobre, puisque la Finlande et donc l'Ukraine qui sont juste derrière vont jouer ces deux matchs de retard. Enfin surtout la Finlande qui en a deux de retard et l'Ukraine jouera également deux fois. La France restera encore deux matchs, Kazakhstan et Finlande, justement pour finir au mois de novembre. Mais avant ça, eh bien la France aura rendez-vous avec la Ligue des Nations, les demi-finales de Ligue des Nations, avec une rencontre face à la Belgique. Ce sera le 7 octobre à Turin, alors que l'Italie affrontera l'Espagne dans l'autre demi-finale. Ce sera à Milan. Voilà, donc avec une finale qui aura lieu le lendemain. Voilà donc le programme pour l'équipe de France à suivre. Dans les autres groupes, ça n'a très peu bougé. Le Portugal est toujours en tête dans son groupe. L'Espagne également. L'Italie aussi, 14 points. Toujours sa série d'invincibilité. Les Italiens qui poursuivent cette série avec un carton face à la Lituanie 5-0. Voilà, qui poursuit cette série incroyable d'invincibilité. 12-8 marqués et encaissés, voilà, ils surfent vraiment sur 7 euros, sur la suite de 7 euros. On a également donc la Belgique toujours en tête, 16 points, quasiment qualifiée déjà, hein, parce qu'il possède 9 points d'avance sur les Républiques tchèques et la Pays de Galles. Voilà, donc c'est déjà presque fait pour la Belgique. Danemark, leader de son groupe. Dans le dernier, les Pays-Bas et la Norvège sont co-leaders avec 13 points, donc c'est très serré. La Turquie 11 points, donc là ça va être un groupe compliqué. Et enfin la Croatie et la Russie sont à 13 points, là aussi ça va être serré dans cette rencontre. Et il reste l'Angleterre aussi, leader avec 16 points. Et j'oublie aussi l'Allemagne, bien sûr, leader aussi de son groupe avec un peu moins d'avance malgré tout, puisque l'Arménie s'accroche. Voilà donc pour le point sur ce point de ces qualifications. Donc zone Europe, puisque bien sûr zone par zone il y a différents matchs, ça n'a pas très peu bougé en Amérique du Sud, si ce n'est que le Brésil et l'Argentine ont gagné. C'était il y a quelques jours, ça n'a pas bougé du coup au classement, hein, le Brésil toujours en tête avec l'Argentine deuxième, l'Uruguay, l'Équateur, voilà, donc très peu de changements voilà, dans ce groupe de qualification en Amérique du Sud. Revenons en France et revenons dans le championnat avec le national, justement, on en parlait tout à l'heure, le championnat national, et l'USO encore une fois battu à l'extérieur, c'était à Saint-Brieuc vendredi soir pour le compte de la 6e journée nationale. C'est Saint-Brieuc qui a ouvert le score à 36e, égalisation d'Albi Touré pour en 49e, et deuxième but pour Saint-Brieuc à l'heure de jeu, 61e, et le buteur Albi Touré expulsé après un deuxième carton jaune. Ça n'a pas fait les affaires évidemment du SO qui s'incline une nouvelle fois dans ce championnat national. Voilà, malheureusement, ça fait encore. Ça fait encore donc une défaite pour eux, pour l'USO. On va le voir au classement. Un petit mot des autres rencontres. Un carton, celui d'Annecy face au Red Star, 6-0. Voilà, Annecy qui profite pour passer leader après ce carton. D'Annecy, Bourg-en-Bresse est toujours dans le coup, bien sûr, avec sa victoire là aussi. Carton face à Créteil, 6-1. Villefranche 3ème, 12 points également, tout comme Bourg-en-Bresse, puisque Villefranche a battu Chambly 3-0. Sedan, Concarneau, Châteauroux 15 points, voilà, c'est très proche. Le Mans 10 points. Saint-Brieuc, le vainqueur du match face à l'USO, 8 points et 10ème. L'USO 5 points, 16ème. Créteil 3 points, 17ème. Et Bastia 2 points, 18ème. Voilà, c'est 3 défaites consécutives pour l'USO. Hein, donc pour le moment, 2 nuls et une première victoire pour démarrer. Mais depuis, eh bien, il n'y a pas eu de victoire sur les 5 rencontres suivantes et surtout une série de 3 défaites. Il va falloir stopper cette hémorragie très vite. Pourquoi pas sur cette 7ème journée avec la réception d'Annecy, le leader, ça va pas être simple, il va falloir prendre des points, ça c'est certain. Annecy qui reste sur 3 succès consécutifs, c'est tout l'inverse d'Orléans, donc ça vendredi 19h, prendre des points, l'objectif ce match, donc vendredi au stade de la Source, c'est à 19h. Un mot de Ligue 2 pour vous faire un point sur le classement. C'est Toulouse, on le rappelle, qui est toujours leader pour le moment, qui à 16 points, mais en cas de succès pourrait en poster des 19. Pour l'instant c'est bien parti, puisque ça vient de bouger à l'instant, vous voyez, il y a quelques minutes, le Havre qui vient d'égaliser, 70e minute de jeu, le Havre Toulouse 1 partout. Voilà, donc ça bouge pour l'instant. Toulouse avec ce score, ça aurait 17 points, ça sera toujours leader, mais un petit peu moins, puisque Auxerre est deuxième avec 14 points. Auxerre a remporté 4-0 sa rencontre face à Niort. Le Paris FC troisième avec 13 points reste sur un succès, sur un revers pardon, face à Guingamp 1-0. Voilà pourquoi Paris FC n'est plus leader. Pau est 13 points également, Sochaux 13 points, Nîmes, Ajaccio, Rodez 12 points, c'est quand même assez serré derrière. Donc Caen, Quevilly, Guingamp 10 points. Voilà pour l'instant le top 10. Et puis en bas, on retrouve comme par exemple Dijon qui vient d'arriver en Ligue 2, qui est déjà 18e avec 4 points seulement, et qui vient d'en prendre 3 sur cette journée, puisque a battu le Sébastien 1-0. Et puis 2-1 pardon, Dunkerque 3 points et Nancy 2 points, voilà le classement. Donc dans cette Ligue 2 qui verra une 8ème journée déjà, donc samedi, donc 15h de rencontre, Toulouse notamment le leader face à Grenoble, Sochaux, Paris FC, puis tous les autres matchs donc à 19h, un multiplex que vous pouvez suivre sur la chaîne L'Équipe, hein, qui diffuse ce multiplex de Ligue 2. Donc à partir de 19h, voilà pour la Ligue 2. On va terminer avec la Ligue 1. Alors Jérôme avec nous, malheureusement je crois que Jérôme ne pourra pas être avec nous ce soir, mais on va terminer avec la Ligue 1 malgré tout. La Ligue 1 et on jouait la 5ème journée, qui démarrait par le déplacement de Lille à Lorient. Déplacement compliqué pour Lille qui s'incline 2-1 finalement. Donc avec le premier but, c'est pour les Lorientais très vite à la 7ème minute, égalisation pour Ilmaz sur penalty, mais c'est Mofi côté Lorientais qui va donc permettre à Lorient de s'imposer 2-1. Paris Saint-Germain tranquille, victoire face à Clermont 4-0, doublé pour Herrera, Kylian Mbappé et Gueye sont les buteurs pour toujours pas de l'une de mes 6 buteurs, qui n'était pas d'ailleurs titulaire donc pour cette rencontre, qui n'était même pas d'ailleurs sur la feuille de match préservée pour la Ligue des Champions. Donnarumma était le gardien de cette rencontre. Derrière On avait Kimi, Mirkinius, Pikipembe et Diallo. Beaucoup aussi de changements de ce côté-là. Gay, qui était aussi titulaire, tout comme Draxler, Rafinha. Voilà, il y avait beaucoup d'ajustements. On avait laissé au repos Lionel Messi. Ou encore Neymar. Icardi aussi qui a remplacé Mbappé un petit peu avant la fin du match. 4-0 en tout cas, qui conforte sa place de leader, bien sûr, après ce succès. Le choc de samedi soir, c'était Monaco-Marseille. Victoire à Marseille 2-0 avec un doublé pour Dieng qui monte sur le podium grâce à cette victoire. Monaco qui poursuit son mauvais début de saison. Qui ont souffert en défense notamment, et donc 2-0 défaite pour l'USO qui va en plus devoir jongler avec la Coupe d'Europe cette semaine. C'est pas du meilleur scénario pour eux de démarrer avec cette saison compliquée déjà. Et puis hier dimanche, donc Montpellier ouvrait le bal dimanche, victoire 2-0 face à Saint-Étienne. Le match nul, c'était d'ailleurs le seul match nul de la journée, cinquième journée. Un partout, c'était entre Brest et Angers, un partout donc. Victoire de Lens face à Bordeaux 3-2. C'est joué dans les dernières minutes, puisque Lens menait 2-1 jusqu'à la 88e, égalisation de Bordeaux à la 88e donc, et puis 96e sur penalty, c'est Lens, et donc Sotoka qui va permettre aux Lensois de s'imposer. Puisqu'un penalty sur une main donc de Saïd après l'assistance vidéo, le penalty était confirmé. Et donc 3-2 pour Lens, cruel pour les Bordelais qui étaient parvenus à égaliser peu de temps avant. Victoire aussi extérieure de Reims face à Rennes 2-0. Encore une victoire 2-0 à l'extérieur, c'est celle de Troyes face à Metz. Et une nouvelle victoire extérieure 2-0 encore, c'est celle de Nice à Nantes avec notamment Coury pour le deuxième but. Donc beaucoup de victoires à l'extérieur, hein, pas moins de 5 victoires à l'extérieur, c'est assez rare. Et puis que des victoires 2-0 d'ailleurs, c'est assez étrange, mais voilà, ça peut arriver. Et comme des victoires à domicile, il y en a eu un peu moins, il n'y en a eu que 4 à domicile et un nul. Donc c'est Lyon le dernier qui s'est imposé 3-1 face à Strasbourg avec Dembélé, Denayer et Paqueta. Lyon qui se rassure un peu avec cette victoire après un début un petit peu plus compliqué, qui s'impose sans forcer malgré tout, avec les débuts de Shaqiri et Boateng sur la pelouse. 3 scores final pour Lyon, avec d'ailleurs une réduction de l'écart à 97e sur penalty. Voilà, donc c'est bien, très bien passé globalement pour donc les Lyonnais donc qui s'imposent. Le classement, donc on a évidemment Paris leader 15 points, 5 victoires sur 5 matchs. Angers deuxième 11 points. Marseille est troisième avec 10 points. On retrouve ensuite 9 points pour Nice, Lens. 6e c'est Clermont avec 8 points. On a Lyon avec 8 points qui revient bien. 8 points aussi pour Lorient. Lille est seulement 12e avec 5 points. Monaco bien plus loin encore, 16e, 4 points seulement, déjà inquiétant. Brest, Metz, Saint-Etienne ont 3 points. Et Bordeaux, bon dernier avec 2 points, 2 matchs nuls. Et puis donc le reste, 3 défaites dans cette de ces buts de saison. On rappelle aussi, tiens, une information pour le match de Marseille-Nice qui va être rejoué. Hein. C'était confirmé avec la commission de discipline cette semaine. Donc match à rejouer. Pour l'instant, Marseille a 10 points. Et Nice 9 points, donc ça va être un match important. Pour l'instant, on n'a pas encore, je vais essayer d'aller confirmer, mais je ne pense pas encore avoir eu avoir la date du report. Ce qui sera un match le 27 octobre, ça y est, un peu plus d'un mois. Match qui sera à huis clos d'ailleurs, notamment avec d'autres sanctions pour Nice. Qui va donc jouer à huis clos sur certains matchs, des sanctions aussi pour certains joueurs, pour Payet et des joueurs niçois. Pas mal de choses qui ont été décidées sur cette commission discipline. En tout cas, le match sera rejoué, ça c'est l'information principale de cette décision. Et puis bien sûr, pour la prochaine journée, ce sera la 6e journée à venir, ce sera ce week-end bien sûr. Avec vendredi, c'est Strasbourg-Metz pour démarrer la journée. Samedi, Lens-Lille, le derby. Saint-Étienne-Bordeaux à 21h. Et puis dimanche, les placements déjà compliqués pour Monaco à Nice à 13h. Angers-Nantes à 15h. On aura aussi Clermont-Brest, Reims-Lorient, Troyes-Montpellier, 17h Marseille-Rennes. Et puis Paris-Lyon, le choc à 20h45 dimanche. Voilà le programme de cette... donc sixième journée. Une info aussi pour l'équipe de France de féminine qui va donc se rassembler une nouvelle fois pour jouer qualification à la Coupe du U23. Une liste qui a été donnée donc ces derniers jours avec deux forfaits à noter. Ces derniers jours, donc ça va bouger du côté de cette sélection. Le vendredi, les Bleus affronteront la Grèce, puis enchaîneront 4 jours plus tard en Slovénie pour préparer l'Euro. L'Euro qui se déroulera l'été prochain du 6 au 31 juillet, notamment. Donc pour cette équipe de France, voilà donc le programme pour elle, pour cette équipe de France. Avec une préparation et puis d'abord des qualifications pour elle. Voilà, et en tout cas le programme pour elle et les grandes absentes, c'est Amandine Henry et Eugénie Le Sommer qui seront absentes de cette liste, ce qu'a annoncé Corinne Diacre jeudi. Une liste de 25 joueuses sans Amandine Henry ni Eugénie Le Sommer, c'est donc la décision, même si c'était pas vraiment une surprise. N'ont pas été retenus ces joueuses-là pour ces matchs de préparation. Voilà un petit mot aussi des filles qui vont jouer donc cette semaine. Voilà le programme de la semaine avant de se quitter. Bien sûr, alors que les directs ont bougé, Le Havre Toulouse un partout toujours, il reste 10 minutes. Everton a pris la tête en Angleterre face à Burnley 2-1, il y avait 0-0 tout à l'heure, ça a bougé en l'espace de 10 minutes à peine. Everton est éliminé 1-0, il mène 2-1 désormais. Il reste 20 minutes. Et puis Grenade-Séville 0-0 toujours. Même score pour Bologne-Vérone. Alors Christian Gasquet a remporté son match. C'est fait en 2 manches. Voilà pour les directs. Le programme cette semaine, donc, on le disait à l'instant, Ligue 1 et Ligue 2. L'USO, bien sûr, en national aussi. Recevra Annecy, le leader, vendredi à 19h. Faudra prendre des points cette fois. Même si ce sera évidemment pas simple. Bien sûr, comme d'habitude, tous les matchs à l'étranger en Europe. Évidemment, en tennis cette semaine, pas de gros tournoi à mettre en avant, si ce n'est Rennes, tournoi Challenger. Et puis en fin de mois, bien sûr, on rappelle évidemment, eh bien, l'Open d'Orléans. On aura l'occasion de reparler d'ici là, bien sûr, comme d'habitude. On aura cette semaine aussi du rugby, bien sûr, le top 14 qui va avoir sa troisième journée, bien entendu. On aura quoi d'autre encore cette semaine, plein de choses. Du handball, bien sûr, ça va jouer pour tout le monde. Pour Saran, on le disait jeudi, c'est la réception de Créteil, premier match à domicile. Voilà, donc pour dénoncer à 20h, donc au Beaujolais pour démarrer. On aura les filles aussi, le Fleury, pour la deuxième journée, qui va recevoir Paris 92. Ce sera mercredi à 20h15 au Palais des Sports. Voilà, vous allez-y, hein. Belle affiche. Et puis j'ai aussi deuxième journée en National 1. Déplacement à Nantes, pardon, samedi à 19h pour donc cette deuxième journée de National 1. Voilà, donc plein de matchs encore cette semaine, ça s'enchaîne. Et puis un Grand Prix de Formule 1. Non, pas un Grand Prix de Formule 1. Formule 1, ce sera, il y a une petite pause puisque on ira en Russie dans 15 jours. Ce sera en MotoGP, pardon, donc il y aura un Grand Prix. On enchaîne avec le Grand Prix de Saint-Marin, donc dimanche, voilà, pour Fabio Quartararo et les autres, donc dimanche en Italie. Et puis c'est déjà pas mal, hein, ce programme à suivre, hein, donc toute la semaine. On rappelle aussi que c'est fini malheureusement pour l'équipe de France de volley qui a été battue dès les huitièmes de finale, c'est tout à l'heure, à l'Euro, face à la République tchèque 3-0. Et malheureusement, c'est déjà donc terminé pour nos Français qui s'arrêtent dès les huitièmes. Grosse déception évidemment pour eux qui restaient sur une victoire aux Jeux Olympiques. Bah voilà, malheureusement ça s'arrête déjà. Et puis bien sûr, on n'oublie pas cette semaine le début de la Ligue des Champions avec le Paris Saint-Germain qui va démarrer donc à l'extérieur. Ce sera à Bruges, Club Bruges pour démarrer donc en Belgique. Donc ce sera mercredi à 21h. Lille de son côté. On va recevoir Wolfsburg, déjà très compliqué. Ce sera demain soir à 21h pour lancer donc cette campagne européenne pour les Lillois. On espère que ça va bien démarrer. En Ligue Europa, trois clubs cette semaine français. Lyon va se déplacer au Glasgow Rangers, pardon. Ce sera jeudi 21h. Monaco démarre aussi réception de Sturm Graz, le club autrichien, donc ce sera également jeudi à 21h. Et enfin Marseille qui se déplacera à Moscou, Lokomotiv Moscou, pour démarrer avant à 18h45, puisque sur déplacement en Russie il va falloir jouer un petit peu plus tôt, enfin ce sera à la même heure mais ce sera plutôt chez nous, 18h45 donc pour Marseille. Et enfin le dernier club qui va jouer ce sera Rennes. Début de compétition dans la Ligue Europa Conférence. Rennes reçoit Tottenham. Déjà un gros défi pour eux, pour les Rennais. Ce sera jeudi aussi à 21h. Voilà, donc trois clubs à 21h. Il y en aura un à 18h45. Et puis donc demain et mercredi, bah, Lille et Paris. Voilà, donc trois jours de compétition pour nos Français. Donc, et puis vendredi, retour de la Ligue 1. Donc ça ne s'arrête pas cette semaine. Voilà, il y aura du foot toute la semaine. On rappelle direct avant de se quitter que vous pourrez finir de suivre dans 10 minutes fin du match entre Le Havre et Toulouse, toujours un partout. Le Havre est réduit à 10 il y a quelques minutes, donc encore 10 minutes à tenir, un partout toujours. Everton mène 3-1 désormais, 3 buts en 6 minutes pour Everton qui mène 3-1 donc face à Burnley, 3-1, il reste 20 minutes. Et puis les deux autres matchs qu'on suit. Grenade Betis 0-0, une demi-heure de jeu. Bologne et Las Véron 1-0. Bologne qui vient d'ouvrir le score. Il reste un peu moins de 10 minutes face à Véron. Voilà les 3-4 rencontres que vous pouvez suivre dans cette fin de soirée. On va se quitter avec un dernier titre. Il est 22h30. On est pile dans le timing. On va fermer cette émission avec, je le disais, donc dernier titre. On va écouter, qu'est-ce qu'on va écouter? Nous propose plein de choses, comme d'habitude. On va écouter, vous l'attendiez peut-être en fond, Kungs avec son dernier titre. Regarde-moi, on termine avec ce dernier titre et on se retrouve bien sûr la semaine prochaine. D'ici là, passez une bonne soirée déjà, bonne nuit et puis une bonne semaine bien sûr. On se retrouve lundi prochain pour une nouvelle émission. Allez les clubs français, cette semaine il y a plein de clubs français, donc j'espère que ça va bien se passer pour eux. On se retrouve lundi à 19h, à 20h30, j'y arrivais, comme d'habitude. La reprise. Et puis portez-vous bien sûr. Et à lundi prochain pour une nouvelle émission. Ciao, bye bye. Et vive le sport, bien sûr.